Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus. Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Premier épisode, l'arrestation et le jugement. Je suis né à Mulhouse, en Alsace, le 9 octobre 1859. Mon enfance s'écoula doucement, sous l'influence bienfaisante de ma mère et de mes sœurs, d'un père profondément dévoué à ses enfants, sous la touchante protection de frères plus âgés. Ma première impression triste, dont le souvenir douloureux ne s'est jamais effacé de ma mémoire, a été la guerre de 1870. La paix conclue, mon père opta pour la nationalité française. Nous dûmes quitter l'Alsace. Je me rendis à Paris pour poursuivre mes études. Je fus reçu en 1878 à l'école polytechnique, d'où je sortis en 1880 pour entrer comme sous-lieutenant élève d'artillerie à l'école d'application de Fontainebleau. Le 1er octobre 1882, j'étais nommé lieutenant au 31e régiment d'artillerie en garnison au Mans. À la fin de l'année 1883, j'étais classé aux batteries à cheval de la 1ère division de cavalerie indépendante à Paris. Le 12 septembre 1889, je fus nommé capitaine au 21e régiment d'artillerie, détaché comme adjoint à l'école centrale de pyrotechnie militaire à Bourges. Dans le courant de l'hiver, je me fiançai à Mademoiselle Lucie Adamard, qui est devenue ma compagne dévouée et héroïque. Durant mes fiançailles, je préparais mes examens à l'école supérieure de guerre, où je fus reçu le 20 avril 1890. Le lendemain 21 avril, je me mariai. Je sortis de l'école supérieure de guerre en 1892 avec la mention « Très bien » et le brevet d'état-major. Mon numéro de classement à la sortie de l'école de guerre me valut d'être appelé comme stagiaire à l'état-major de l'armée. J'y entrai le 1er janvier 1893. La carrière m'était ouverte, brillante et facile. L'avenir se montrait sous de beaux auspices. Après les journées de travail, je trouvais le repos et le charme de la vie familiale. Curieux de toutes les manifestations de l'esprit humain, je me complaisais aux longues lectures durant les chères soirées passées auprès de ma femme. Nous étions parfaitement heureux. Un premier enfant égayait notre intérieur. Je n'avais pas de soucis matériels. La même affection profonde m'unissait aux membres de ma famille et de la famille de ma femme. Tout dans la vie semblait me sourire. Tout dans la vie semblait sourire à Alfred et Lucie Dreyfus jusqu'au 15 octobre 1894, date à laquelle le capitaine Dreyfus est arrêté dans les bureaux du ministère de la guerre à Paris, sous l'accusation de crime de haute trahison, et enfermé à la prison militaire du Cherche-Midi. Tenu au secret, il ne peut voir sa femme ni lui écrire jusqu'au 4 décembre. Mardi 4 décembre 1894. Ma chère Lucie, enfin je puis t'écrire un mot. On vient de me signifier ma mise en jugement pour le 19 de ce mois. On me refuse le droit de te voir. Je ne peux pas te décrire tout ce que j'ai souffert. Il n'y a pas au monde de terme assez saisissant pour cela. Te rappelles-tu quand je te disais combien nous étions heureux? Tout nous souriait dans la vie. Puis tout à coup, un coup de foudre épouvantable, dont mon cerveau est encore ébranlé. Moi, accusé du crime le plus monstrueux qu'un soldat puisse commettre. Encore aujourd'hui, je me crois le jouet d'un cauchemar épouvantable. Mais j'espère en Dieu et en la justice. La vérité finira bien par se faire jour. Ma conscience est calme et tranquille. Elle ne me reproche rien. J'ai toujours fait mon devoir. Jamais je n'ai fléchi la tête. J'ai été accablé, atterré dans ma prison sombre, En tête à tête avec mon cerveau, j'ai eu des moments de folie farouche. J'ai même divagué, mais ma conscience veillait. Elle me disait « Haut la tête et regarde le monde en face. Fort de ta conscience, marche droit et relève-toi. C'est une épreuve épouvantable, mais il faut la subir. » Je ne t'écris pas plus longuement car je veux que cette lettre parte ce soir. Écris-moi longuement, écris-moi tout ce que font les nôtres. Je t'embrasse mille fois comme je t'aime, comme je t'adore, ma Lucie chérie. Mille baisers aux enfants. Je n'ose pas t'en parler plus longuement, les pleurs me viennent aux yeux en pensant à eux. Écris-moi vite, Alfred. Mardi 11 décembre 1894. Ma chère Lucie, veux-tu être mon interprète auprès de tous les membres de nos deux familles, auprès de tous ceux qui s'intéressent à moi, pour leur dire combien j'ai été touché de leurs bonnes lettres et de leurs témoignages de sympathie? Je ne puis leur répondre, car que leur dirais-je? Mes souffrances, ils peuvent les comprendre, et je n'aime pas à me plaindre. D'ailleurs, mon cerveau est brisé, et les idées y sont parfois confuses. Mon âme seule reste vaillante comme au premier jour, devant l'accusation épouvantable et monstrueuse qu'on m'a jetée à la face. Tout mon être se révolte encore à cette pensée. Mais la vérité finit toujours par se faire jour, envers et malgré tous. Nous ne sommes plus dans un siècle où la lumière pouvait être étouffée. Il faudra qu'elle se fasse entière et absolue. Il faudra que ma voix soit entendue par toute notre chère France, comme l'a été mon accusation. Ce n'est pas seulement mon honneur que j'ai à défendre, mais encore l'honneur de tout le corps d'officiers dont je fais partie et dont je suis digne. J'ai reçu les vêtements que tu m'as envoyés. Si tu en as l'occasion, tu pourras m'envoyer ma pèlerine. La pelisse est inutile. Ma pèlerine est dans l'armoire de l'antichambre. Embrasse bien nos chéris pour moi. J'ai pleuré sur cette bonne lettre de notre cher Pierrot. Il me tarde bien de pouvoir l'embrasser ainsi que vous tous. Mille baisers pour toi. Ton dévoué Alfred. Le 19 décembre a lieu la première audience du procès Dreyfus devant le Conseil de guerre de Paris. Arrêt de huis clos. Le 22 décembre, après 4 audiences, le capitaine est reconnu coupable de trahison à l'unanimité et condamné à la peine maximale, la dégradation et la détention à perpétuité dans une enceinte fortifiée. Son avocat se pourvoit devant le conseil de révision qui rejette sa demande. 23 décembre 1894. Mon pauvre, pauvre Fred chéri, quel malheur, quelle torture, quelle ignominie. Nous en sommes tous terrifiés, anéantis. Je sais comme tu es courageux, je t'admire. Tu es un malheureux martyr. Je t'en supplie, mon pauvre Fred, supporte encore vaillamment ces nouvelles tortures. Notre vie, notre fortune à tous sera sacrifiée à la recherche du coupable. Nous le trouverons. Il le faut. Tu seras réhabilité. Nous avons passé près de 5 années de bonheur absolu. Vivons sur ce souvenir. Un jour, justice se fera et nous serons encore heureux. Tes enfants t'adoreront. Nous ferons de ton fils un homme tel que toi. Je ne pourrai pas lui choisir de plus bel exemple. J'espère bien que je serai autorisée à te voir. En tout cas, mon adoré, sois certain d'une chose, c'est que je te suivrai si loin qu'on t'enverra. Je ne sais si la loi m'autorise à t'accompagner, mais en tout cas, elle ne peut pas m'empêcher de te rejoindre. Et je le ferai. Encore une fois, courage, mon chéri. Il faut que tu vives pour nos enfants. Pour moi. Je t'embrasse mille et mille fois. Ta femme dévouée, Lucie. Nos deux familles t'embrassent bien tendrement. 24 décembre 1894, nuit de lundi à mardi. Ma chère adorée, j'ai reçu tout à l'heure ta lettre. J'espère que tu as reçu les miennes. Pauvre chérie, comme tu dois souffrir, comme je te plains. J'ai versé bien des larmes sur ta lettre. Je ne puis accepter ton sacrifice. Il faut que tu restes. Il faut que tu vives pour les enfants. Songe à eux d'abord avant de penser à moi. Ce sont de pauvres petits qui ont absolument besoin de toi. Ma pensée me ramène toujours vers toi. Maître Demange, qui est venu tout à l'heure, m'a dit combien tu étais admirable. Il m'a fait de toi un éloge auquel mon cœur faisait écho. Oui, ma chérie, tu es sublime de courage et de dévouement. Tu vaux mieux que moi. Je t'aimais déjà de tout mon cœur et de toute mon âme. Aujourd'hui, je fais plus. Je t'admire. Tu es certes une des plus nobles femmes qui soient sur terre. Mon admiration pour toi est telle que si j'arrive à boire le calice jusqu'au bout, ce sera pour être digne de ton héroïsme. Mais ce sera bien terrible de subir cette honteuse humiliation. J'aimerais mieux me trouver devant un peloton d'exécution. Je ne crains pas ma mort. Je ne veux pas du mépris. Quoi qu'il en soit, je te prie de recommander à tous de lever la tête comme je le fais moi-même, de regarder le monde en face sans faiblir. Ne courbez jamais le front et proclamez bien haut mon innocence. Maintenant, ma chérie, je vais de nouveau laisser tomber ma tête sur l'oreiller et penser à toi. Je t'embrasse et te serre sur mon cœur. Alfred. Mardi 25 décembre 1894. Mon cher adoré, je pleure et je recommence à pleurer. Tes lettres seules viennent me consoler dans mon extrême douleur. Seules, elles me soutiennent et me réconfortent. Vis pour moi, mon chéri, je t'en conjure. Rassemble tes forces. Lutte. Luttons ensemble jusqu'à la découverte du coupable. Que deviendrais-je sans toi? Je n'aurais plus rien qui me rattacherait au monde. Je mourrais de chagrin si je n'avais l'espoir de me retrouver auprès de toi et de passer encore d'heureuses années à tes côtés. Supporte encore ce calvaire, mon Fred chéri. Je t'accompagnerai partout. Nous nous installerons dans notre lieu d'exil. Je tâcherai de te faire tout oublier. Tous mes efforts tendront à te rendre heureux. Pour le moment, ne voyons pas si loin. Écris-moi beaucoup, longuement. Dis-moi comment tu es physiquement, moralement, comment tu arrives à tuer la longueur de ces journées de prison. J'espère te voir d'ici quelques jours, lorsque la révision aura été décidée. Quelle joie ce sera pour moi. Te souviens-tu, chérie, combien de fois je t'ai dit que je ne pouvais pas vivre seule? Ne m'abandonne pas. Nos enfants sont ravissants. Ton pauvre petit Pierrot demande tant après toi. Je ne puis lui répondre que par des larmes. Ce matin encore, il me demandait si tu rentrerais ce soir. Je m'ennuie beaucoup, beaucoup après mon papa, m'a-t-il dit. Jeanne change énormément. Elle cause bien, elle fait des phrases et embellit beaucoup. Du courage, mon chéri, du courage. Tu les retrouveras un jour. Nos rêves, nos projets renaîtront et nous pourrons les accomplir. Une longue lettre, n'est-ce pas, mon chéri? Je t'embrasse comme je t'aime. Lucie. Faut-il te dire que tout le monde est de cœur avec toi, que la famille, les amis, les connaissances ont une foi absolue en ton innocence? Lundi 31 décembre. 5 heures, soir. Ma chère Lucie, le pourvoi est rejeté, comme il fallait s'y attendre. On vient de me le signifier. Demande de suite la permission de me voir. Envoie-moi ce que je t'ai demandé, c'est-à-dire sabre, ceinturon et valise d'effet. Le supplice cruel et horrible approche. Je vais l'affronter avec la dignité d'une conscience pure et tranquille. Te dire que je ne souffrirai pas, ce serait mentir, mais je n'aurai pas de défaillance. Continuez de votre côté, sans trêve ni repos. Alfred. 2 janvier 1895. Mercredi, 5 heures. Ma chérie, notre conversation, même à travers les barreaux de la prison, m'a fait du bien. Je tremblais sur mes jambes en descendant, mais je me suis raidi pour ne pas tomber par terre d'émotion. À l'heure qu'il est, ma main n'est pas encore bien assurée. Cette entrevue m'a violemment secoué. Si je n'ai pas insisté pour que tu restes plus longtemps, c'est que j'étais à bout de force. J'avais besoin d'aller me cacher pour pleurer un peu. Ne crois pas pour cela que mon âme soit moins vaillante, ni moins forte, mais le corps est un peu affaibli par 3 mois de prison, sans avoir respiré l'air du dehors. Il a fallu que j'aie une robuste constitution pour pouvoir résister à toutes ces tortures. Embrasse les bébés pour moi. 1000 baisers. Alfred. 2 janvier 1895, mercredi soir. Mon bon chéri, enfin nous l'avons eu cette entrevue tant désirée. Enfin nous avons pu nous voir, nous parler. J'ai eu un immense bonheur à revoir tes bons yeux, à entendre ta voix. Mais quelle horrible chose de se sentir si près l'un de l'autre et d'être séparés par ces horribles grillages. J'ai eu une émotion terrible en te voyant. Moi qui me réjouissais de te dire tant de choses. Moi qui voulais te donner du courage, te réconforter. Je n'ai plus eu la force de te dire ce que je ressentais. Je n'ai même pas trouvé de mots pour t'exprimer l'admiration que j'avais pour toi, la reconnaissance pour l'immense sacrifice que tu t'imposes. Le courage, c'est toi qui me le donnes. Tu as des sentiments sublimes. Après t'avoir quitté, j'ai été chez le général Tisser. Je lui ai demandé une permission permanente et l'autorisation de te causer autrement qu'à travers une grille et devant témoins. Pourvu qu'il soit humain. J'attends sa réponse avec une très grande impatience. Adieu, mon bon chéri. Je t'embrasse bien fort comme je t'aime. Ta Lucie. Dans ses mémoires, le capitaine Dreyfus se souvient. La première entrevue avait eu lieu dans le parloir de la prison. Elle avait revêtu par les circonstances un caractère si tragique que le commandant Forzinetti demanda et obtint l'autorisation de me laisser voir ma femme dans son cabinet, lui étant présent. Ma femme vint me voir une seconde fois. C'est alors que je lui fis la promesse de vivre et d'affronter courageusement la douleur de la lugubre cérémonie qui m'attendait. Écris-moi souvent, écris-moi longuement. Correspondance d'Alfred et Lucie Dreyfus, Mémoire et journal de captivité. Texte réuni par Emmanuel Chevrière. Aujourd'hui, l'arrestation et le jugement. Avec Jean-Gabriel Nordmann, Alfred Dreyfus, Geneviève Mnich, Lucie Dreyfus, Marina Moncade, la narratrice. Réalisation Nadège Antonini, Bruno Mourlan, Jean-Louis Deloncle, Annabelle Brouard, Étienne Vallès. La correspondance entre Alfred et Lucie Dreyfus est publiée aux éditions Mille et Une Nuits. Les mémoires et le journal de captivité de Dreyfus, 5 années de ma vie, sont publiées aux éditions de La Différence.